Bonjour auditeurs de Radio Guémozo, nous sommes mardi 15 décembre, on est en direct avec toi, il est midi une très précisément. Tu l'auras peut-être reconnu, ce générique, je suis Lia et tu es le bienvenu dans ma bulle. Ça faisait plaisir ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu générique. Le principe de cette bulle, eh bien, il est très simple, hein. Une heure ensemble, normalement, si tout va bien, en toute intimité avec un invité. Eh bien, c'est le moment d'accueillir pour moi mon invité, cet invité justement. Bonjour Christophe Toussaint, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Eh ben, c'est super. Alors, il me semble que tu connais déjà bien ces studios de Radio Guémozo. Radio Guémozo à Saint-Étienne ou avant à Rue-sur-Moselle. Voilà, oui. Un vrai connaisseur. Bah, du coup. Depuis le siècle dernier, oui. T'es déjà venu du coup sur les ondes. Oui. Mais je sais plus quand la dernière fois, ça fait longtemps. Oui. Ça fait plaisir de revenir là ici. Eh ben, ça nous fait plaisir en tout cas à nous aussi de t'accueillir. Alors, on va parler eh bien de la sortie de ton livre L'épinette des Hautes-Vosges. Mais avant tout, si tu es d'accord, on va commencer par planter le décor un petit peu pour nos auditeurs, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Christophe Toussaint. Eh bien, tu es épinettier. C'est comme ça qu'on dit. Tu fabriques des épinettes. Oui, c'est un mot que j'ai inventé, mais apparemment, il se dit. Mais c'est-à-dire que quelqu'un qui fait des instruments de musique, on dit luthier. C'est vrai. Et c'est normalement quelqu'un qui fait des luths. Mais je crois qu'il y en a un en France qui fait encore des luths. D'accord. Mais on devrait pouvoir dire guitarier, trompettier, clarinettier. Et donc, pourquoi pas épinettier? Eh ben voilà, on dirait épinettier. Tu fabriques donc des épinettes. Et pour nos auditeurs qui ne seraient pas encore peut-être de quoi il s'agit, l'épinette, eh bien c'est un instrument de musique, un très bel instrument d'ailleurs. Tu es venu avec deux d'entre elles aujourd'hui, tu vas nous jouer un petit peu déjà. Non, peut-être pas tout de suite, mais voilà, je plante, enfin voilà, j'illustre un petit peu, voilà. Ah oui, présenter l'instrument. Voilà, c'est quoi une épinette? Comment tu définirais une épinette? C'est un type de sitar, c'est-à-dire que c'est un instrument à cordes. Les fils qui sont dessus, on appelle ça des cordes, j'y peux rien. C'est pas toi qui l'as inventé, ça. Non. Donc, et sur cette sitar, il y a deux groupes de cordes. Des cordes qui chantent, etc. Vous connaissez l'air? Tu connais, Lia, cet air-là? Bah pour moi c'est une gamme. Enfin, tu connais même le titre parce que la plupart des gens ne connaissent que les paroles de l'air. Donc des cordes qui chantent qu'on appelle aussi les cordes mélodiques. Et puis d'autre part un groupe de cordes qu'on appelle bourdon. D'accord. Comme sur une cornemuse, comme sur une vielle à roue. Eh bien l'épinette c'est une sitar à bourdon. D'accord. Où on dit parfois. Ouais voilà. Alors, il faut beaucoup de dextérité parce que tu manipules une partie des cordes avec une main et l'autre partie avec l'autre main. Tu t'accompagnes. Non, mais à main gauche, avec les doigts ou avec un bâtonnet, je fais la mélodie. D'accord. Et puis à main droite, je gratte et je fais sonner soit seulement les chanterelles, les cordes mélodiques qui font la gamme. Oui. Soit l'ensemble des cordes. C'est-à-dire les bourdons avec. D'accord. Voilà, c'est clair à la radio. C'est clair, c'est parfait. Et sinon, la forme de l'instrument peut être très variable. Les plus simples sont des bûches. Ah oui? C'est des épinettes toutes droites. Là, j'ai amené des belles, j'ai les moyens, je les fabrique. Et, wow. et j'en vends moins que j'en fabrique, donc je les utilise. Est-ce que tu les exposes, par exemple, celles que tu n'as pas vendues, mais que tu n'utilises? Oui, j'ai toute une salle d'exposition à Dommartin, oui. C'est génial. Peut-être qu'un jour, j'espère, le plus vite possible, on pourra revenir voir tes belles épinettes, voilà, oui, dans ton entier. Oui, volontiers, on peut faire une émission depuis là-haut. J'ai une centaine d'épinettes différentes, parce que c'est pas un instrument seulement des Vosges. Ah oui. On la trouve beaucoup en Belgique, tant en Flandre qu'en Wallonie. On la trouve en Hongrie, on la trouve en Norvège, d'accord, en Islande. enfin voilà, sur tous les pays, froids d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Ça réchauffe le cœur, peut-être. Je sais pas, c'est plutôt un instrument d'intérieur, c'est-à-dire que pour en jouer, il vaut mieux être assis, il vaut mieux avoir une table et tout ce mobilier là est plutôt à l'intérieur de la maison. Oui. C'est pas un instrument pour défiler, c'est pas un instrument très puissant non plus. Donc c'est plutôt un instrument d'intérieur, super, un instrument de cuisine. D'où elle vient la première épinette ? Est-ce que tu sais ? Ouais, ben non, personne n'en sait rien, c'est un instrument traditionnel et dès qu'on cherche un peu, on arrive dans des périodes où le peuple n'intéressait personne et ce que produisait le peuple non plus. Mais on en parlera plus tard, parce que ça, pour une première leçon, ça fait déjà beaucoup. Il faut qu'on tienne une heure. Hein. Est-ce que tu as envie déjà de nous jouer un petit morceau pour illustrer J'ai envie de jouer sûrement une suite. Je ne sais pas s'il y aura les trois. C'est d'un harpiste irlandais du début du XVIIIe siècle qui s'appelait O'Carolan. Oui. Qui était un harpiste aveugle et qui allait de château en château, et chaque fois qu'il arrivait quelque part, ce qu'on a retrouvé de lui, il faisait un morceau pour monsieur, un morceau pour madame, un morceau pour mademoiselle, et donc on a pu en retrouver à peu près 300. Je n'en fais que trois. Mais c'est assez connu, c'est assez standard, et ça va bien sur l'épinette aussi. Eh ben, allez. Puis de toute façon, il était aveugle, il m'en voudra pas. Et veuille, il verra rien. Il verra. Il entendra pas la différence. Alors l'épinette est un peu bancale. Voilà. Mais c'est normal. Christophe s'installe. Ils avaient des clous à la place des pieds. On agrippait l'épinette dans la table. Je mets des câbles parce que je trouve pas de chewing-gum. Vas-y. Oui, j'aurais dû amener du... Ça va aller? Voilà, ok, super. De toute façon, il nous reste une heure. Hein. Bon, j'arrête de déconner. O'Carolan. Thank you. Marie-Christophe. C'était génial. Quel bonheur en plus de voir, eh bien, de voir un espèce de mini concert là en direct avec toute cette ambiance en ce moment là. Tu m'as réchauffé le cœur là. Ah oui, ah oui, au travers de la vitre. Ah oui, oui, oui, à travers les oreilles, tu sais, la musique, moi ça me parle beaucoup et voilà, ça représente beaucoup. Et puis je me suis permise de te filmer là en direct de nos réseaux sociaux et nombreux ont été ceux qui nous envoient des cœurs. Donc tu as réchauffé les cœurs de d'autres des personnes. Des rouges. Oui, des cœurs. Des cœurs rouges. Est-ce que c'est difficile de jouer de l'épinette? L'intérêt de l'instrument, c'est que c'est un instrument simple, c'est-à-dire que dès que l'épinette est accordée, c'est sûr que la première fois qu'on joue, peut-être il faut se faire aider, on arrive à faire quelque chose de plaisant, oui. sans effort. Mais après, si on veut travailler, c'est comme n'importe quel autre instrument. Mais oui. C'est vraiment, au départ, c'est l'antithèse du violon où il faut faire grincer des notes pendant des années avant d'avoir quelque chose. Là, on a tout de suite un résultat plaisant qui invite à aller plus loin ou à abandonner parce qu'on se dit, bah, c'est trop facile, je vais passer à autre chose. Oui. J'imagine que tu as appris à jouer de l'épinette en même temps que tu as appris à les fabriquer. Enfin, oui, je suppose. À peu près vers l'âge de 13-14 ans, oui. Oui. Et alors, d'abord par de l'improvisation, c'est-à-dire que je grattais, j'écoutais tous ces harmoniques, toute cette richesse de cordes, d'accords ouverts, hein, à la guitare, c'est comme si on accordait la guitare qui donnerait déjà un accord sans raccourcir, oui. sans servir de la main gauche. C'est vrai. Donc c'est un instrument à l'abord facile. Mais après, on peut travailler comme n'importe quel autre instrument. Est-ce que tu as donné des cours pour apprendre? Pour apprendre aux autres à en jouer. Oui, c'est un peu mon boulot, hein. C'est-à-dire que non seulement j'ai fabriqué, mais je fabrique toujours, mais je donne des cours. Bon, en ce moment, hein, voilà. Bon. Mais oui. On m'a même donné un diplôme d'État. C'était en 89 en musique traditionnelle. J'ai un DE. Je pourrais travailler dans un conservatoire. Pas mal. Pas mal. Alors, tu as appris à fabriquer ces épinettes avec ton grand-père ? Oui, c'est ça, oui. Mm-hmm. Et lui, il a appris à fabriquer des épinettes avec son père ? Avec son grand-père, lui non, aussi ? Non. Non, lui, il était sculpteur sur meubles, sculpteur à façon, on appelait ça. D'accord. C'est-à-dire qu'on lui amenait des bouts de meubles, d'armoires, de lits, et il faisait les raccords de moulures, les coquilles au pied, toute la décoration. C'était sa principale activité. Et puis, petit à petit, c'était à la fin des années 50, tout début 60, il a beaucoup fait d'objets, souvenirs, qui étaient vendus pour les touristes, pour le tourisme qui se développait, autant dans les Vosges que le Jura et les Alpes du Nord. Et donc, c'était toutes sortes de très beaux bibelots en bois. Oui. Ouais, il faudra regarder dans mon livre, j'ai fait une petite biblio sur lui. Et puis, les ménestrels de Gérardmer qui étaient très nombreux à l'époque, c'est donc un groupe folklorique qui s'est développé après la fin de la guerre. Ce groupe folklorique a eu besoin d'épinettes, a cherché à en faire du côté de Mirecourt, autour de Gérardmer aussi, et on a demandé à mon grand-père d'en fabriquer. Et puis ça a coïncidé avec le développement du folk en Europe, c'est-à-dire fin des années 60, début des années 70. Et là on comprend, si je dis 60-70, il n'y a pas besoin de traductionner, ça va. Sinon vous téléphonez à Radio Gémozo. Au 0329-62-40-40, pourquoi pas, pour poser des questions à Christophe. On est ouvert. Et oui, ça a coïncidé avec le développement du folk en Europe, et il a dû en faire de plus en plus, au point de ne plus faire que ça, des épinettes, surtout les traditionnelles de Gérardmer, c'est-à-dire des bûches assez longues. Puis après, il a créé d'autres modèles, mais il n'avait pas de référence autre. Il se rappelait que quand il était enfant, un vieux avait été enterré, c'était Autoli, hein, avait été enterré avec son épinette. Ah, mais oui. Voilà, il connaissait pas du tout l'instrument. le Val d'Ajol, où c'était toujours très pratiqué, était pourtant qu'à 35-40 kilomètres du Toli, mais il ignorait complètement. Ah oui. Et puis donc moi je suis allé travailler chez lui. Dès l'âge de 13-14 ans, ma mère m'envoyait parce que je m'ennuyais à la maison. J'aimais bien bricoler. Et petit à petit est venue l'idée de à la fois d'en jouer et d'en fabriquer et de. Oui. Voilà, et ça fait donc plus de 40 ans que. Eh oui. Que j'en fais. Et combien voilà. D'instruments de créer par tes mains? Est-ce que tu saurais quantifier? Ouais, je dis souvent 3000, mais j'en sais rien. Waouh. Mais j'en fais beaucoup moins maintenant. Mais je suis dans une série de 13, là. D'accord. Parce qu'il y avait pour en faire 13, et je suis en train d'avancer dans une belle série de 13. Oui. Mais j'ai fait une série une fois qui dépassait les 100. Ah oui. Ça devait être en 85, disons, quelque chose comme ça. Et qui était mis en dépôt ou vendu dans tous les magasins de musique de Lorraine, Alsace et Franche-Comté. Oui. Ah ouais, dis donc, incroyable. Combien de temps il faut pour fabriquer une épinette? Eh ben, j'en sais rien et puis ça m'intéresse pas trop parce que quand je commence à regarder l'heure et ben c'est pas bon. Ah donc, ouais. Donc j'en sais rien et puis je ça m'intéresse pas. Ah oui. Alors chaque fois que j'en fais, je me dis est-ce que j'augmente, est-ce que je mérite ça, est-ce que j'arriverai à les vendre à ce prix-là, mais c'est tout parce que compter son temps, est-ce qu'on compte le balayage, est-ce qu'on compte l'affûtage, est-ce qu'on compte la nuit si on réfléchit à ce qu'on va faire le lendemain. Ah oui, est-ce que oui, c'est payé oui, oui. Plus de réfléchir la nuit? Non mais ça... Donc, j'ai arrêté ça, je suis pas salarié. Je tâche de vivre de ça, mais c'est très bien comme ça. Alors j'ai entre les mains quand même cet ouvrage, l'épinette des Hautes-Vosges. Alors je cite un tradition légende anthologie. Alors un très très beau livre. Voilà déjà avec la page de couverture, on est bien mis dans l'ambiance. Il y a les montagnes en arrière-plan, mais surtout et bien des manches d'épinettes très belles d'ailleurs, très décorées. Je suppose que ça doit être des épinettes anciennes, ça. Donc tu as écrit ce livre avec une autre personne, c'est ça? Oui, voilà. Fallait le départ de ce livre, c'est pas de moi, c'est Jean-François Duterte qui était un. Ben vous, ici, vous devez avoir quelques disques de lui et puis de Mélusine, d'un groupe qui sévissait dans les années 70, quelque chose comme ça, les groupes folk. Et Jean-François Duterte a beaucoup joué d'épinettes, de Vielle-à-Roue. D'accord. Et puis il a fait des recherches, est venu enquêter dans les Vosges en 72, je crois, et avec un photographe, avec un preneur de son. Et puis, ouais, ça va être compliqué. On n'est pas sur France Culture. Ah mais vas-y, c'est pas grave. Nous, ça nous intéresse beaucoup. On veut entendre. En 1957 déjà, il y a deux dames qui étaient envoyées par le CNRS. Depuis Paris et qui sont venues enquêter sur l'épinette dans les Vosges. Elles avaient juste 10 jours pour faire ça, mais elles avaient bien préparé leur enquête. Elles étaient avec un preneur de son et elles sont allées voir quelques joueurs autour de Gérardmer, autour du Val d'Ajol. Ici à Remiremont, elles ont rencontré quelqu'un qui tenait un magasin de musique et qui fabriquait des épinettes, qui s'appelait Henri Poussier. D'accord. C'est actuellement rue Charles de Gaulle, enfin c'est la grande rue oui. Des Arcades. Et puis, elles ont fait un beau travail d'enregistrement, mais elles l'ont assez peu exploité. Et quand elles sont décédées, ces dames-là, faut dire qu'elles sont nées juste après la guerre 14, quand elles sont décédées au début des années 2000, tout leur matériel, toute leur bande magnétique là, a pu être réécouté. Et Jean-François Duterte s'est occupé de ça, d'écouter ça, et il s'est aperçu qu'il y avait des éléments qui n'avaient pas été exploités. Et donc il a écrit un article là-dessus. Et il me l'a fait lire, il m'a demandé des photos, des instruments qui existent encore. des dessins de ses instruments. Et moi, je lui ai dit qu'il fallait l'éditer, ce livre-là. Oui. Il m'a rétorqué que c'était trop mince, qu'on pouvait pas faire un livre avec ça, et que c'était à moi de bosser, que je n'avais qu'à faire une biographie sur mon grand-père, Marcel Gaspard, oui. Sur Louis Georgel, qui a fabriqué des quantités d'épinettes dans les années, à partir des années 70, 80, 90 et même tout début 2000. Et ce que j'ai fait, j'avais pas mal de choses sur Henri Poussier, donc qui tenait un magasin de musique à Remiremont et qui avait fabriqué des épinettes. Et puis j'ai fait aussi sur Jules Vanson du Val d'Ajol, qui s'était remis à fabriquer, lui, pour un groupe folklorique d'Épinal, de Nancy. Bon, il faudra regarder dans mon livre, c'est plus précis à moins d'errata. Et j'en ai profité aussi pour remettre à jour tout ce qu'on savait sur cet instrument. Oui. Et donc j'ai eu des contacts avec des gens en Allemagne, en Hongrie, en Suède, au Danemark, wow. Norvège. Et puis donc j'ai remis ça un peu à jour, quoi, ce que j'ai appelé en anthologie. D'accord. Et ça a pu faire une certaine épaisseur. Et puis donc j'ai demandé à Gérard Louis, qui est à Arouet, qui est éditeur de bouquins régionaux, de méditer, est-ce qui de M apostrophe éditer. Oui, oui. C'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce qu'il a fait avec plaisir, et il a fait un beau livre. Oui. C'est magnifique, magnifique. Et si on méditait justement en t'écoutant là un petit peu. Déjà ? Bah oui. Non, t'as pas envie ? Oui, oui, oui. ouais. J'aimerais bien jouer ça. C'est la chanson du roi Renaud. Oui. Il en existe quantité de versions partout en France. Mais là, cette année, j'ai découvert ça. C'est Xavier Thiria, qui est originaire de, qui était de Cleury, et qui a été secrétaire de mairie à Vanier dans les années 1870, quelque chose comme ça. Et, j'étais content de trouver ça. Il a noté la musique et les paroles d'une chanson de Renaud. Et vraiment, c'est une première parce que, ah ouais. Alors là, c'est l'histoire du roi Renaud. C'est une complainte, hein. Ça va durer au moins 5-7 minutes, c'est pas grave. Bah, t'as dit qu'on avait une heure qu'il fallait combler. Je reste bien éveillée, t'inquiète pas. Et le roi Renaud, il y a même Yves Montand qui a chanté ça. Donc, oui, c'est. Voilà. Ceux qui connaissent, ils. Voilà. Mais là, ça se passe pas dans un château. Parce que. Sa mère, elle n'est pas au créneau, dans la tour en haut, je sais pas quoi, elle est dans la chambre en haut, enfin, c'est beaucoup plus humble. D'accord. Et donc, c'est une version qu'il a trouvée, Xavier Thiria, à Vanier, et qu'il a édité pour la revue Mélusine, 1878. J'ai trouvé ça sur, à la BNF, hein, sur Gallica, enfin, il y a des choses à trouver sur Internet, ouais. Ouais, ça sert, le fond. Je peux la faire? Ah, bah, bien entendu. Mais tu me coupes quand tu veux, hein, parce que là, il y a une dizaine de couplets. Oui. Puis, où tu mets de l'autre musique, quoi, quand t'en as marre. Puis les paroles, c'est triste, hein. Tant pis. On te suit. Tant pis. On te suit. Tant pis pour vous. Changement d'instrument. Alors, tu nous le diras après, mais c'est du coup, il y a deux instruments différents, là. Deux épinettes différentes, on en parlera tout à l'heure, peut-être. Mmh, hein. Entre ses bras, tient ses boyaux. Sa mère qui est sur sa chambre en grand, qui voit venir son fils Renaud. De la guerre, je m'en soucie. Préparez moi la nuit, que j'y sois bien à mon plaisir, que ma femme n'en ait pas le vent, tirer les rideaux par le vent. Quand ce fut vers le minuit que le grand Renaud perdit l'esprit, toutes les servantes ont soupiré et sa bonne mère a pleuré. Oh, dites-moi, mère et mamie, qu'est-ce que j'entends courir ici? Oh, ce sont les tristesse. Merci, hein. Christophe. J'espère que vous avez bien pleuré. Ah, c'était super. Mais quelle voix, dis donc. Il y a une voix extraordinaire en plus qui accompagne l'épinette, là. Ah, mais l'épinette, c'est fait... Moi, je trouve que c'est fait pour chanter avec. Enfin, oui. Ça fait plein d'instruments en même temps, comme ça. Enfin, c'est vrai. Un peu home orchestre. Enfin, voilà, sans trop d'efforts, quoi. C'est vrai. Alors, on revient, on te remercie beaucoup pour ce super moment musical. On revient sur ce fameux livre avec lequel tu es venu aujourd'hui. Alors, il est sorti il y a très très récemment, là, déjà. Hein, il vient... Non oui, il y a quelques semaines, oui. Alors, on a parlé de l'anthologie, on y trouve aussi les traditions et les légendes. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces points-là dans ce livre? Tu peux nous en dire quelques... Les traditions? Oui. Bon, donc c'est un instrument donc plutôt d'intérieur. Oui. C'est un instrument féminin. Ah oui. Ben parce que c'est le domaine, enfin. Ah oui. Parce que l'intérieur est le domaine plus de la femme. Instrument de cuisine, j'ai lu ça il y a peu de temps. C'est pas dans le bouquin là, mais où j'ai lu ça, instrument de cuisine. Mais oui. Et actuellement, c'est toujours ça, quoi. C'est-à-dire que. J'ai des élèves qui me disent, ben, moi, mon épinette, je la range pas, elle est toujours au bout de la table, comme ah, ça. Oui. Quand je passe devant, je peux jouer un petit air, oui. Oui. Ça a dû te prendre un sacré paquet de temps, même si t'aimes pas le mesurer, ce temps, mais t'as dû pour en l'écrire. Passer. Oui. Ah oui, là, j'ai pas compté mes heures. C'est-à-dire, c'est par crise, hein. C'est parfois pendant 15 jours, 3 semaines, j'y pense plus, puis après, je me dis, dans quel chapitre ça irait, ça? Et puis ça reprend. Ben oui, c'est très plaisant d'écrire, mais c'est un boulot taré. Ah, enfin, oui. Faut pas faire ça. Hein. Oh non! C'est la première fois que t'écris. Oui, puis donc, au début, j'écrivais à la main, je me disais, on a toujours fait comme ça, puis après, sur WordPerfect, c'est comme. Oui. J'utilise plus ça, j'utilise un libre là. Oui. Et puis oui, on se dit ah tiens, la phrase là elle serait mieux dans l'autre sens, donc couper coller et puis ah, après ce serait bien un synonyme. Et c'est quoi dans le dictionnaire des synonymes? Oh ben ils sont pas gâtés là-dedans. Et qu'est-ce que veut dire plutôt ce mot? Et puis nanana et ça prend. Ben oui. Ça prend du temps. Mais oui. À l'intérieur de ce livre, on trouve des photos, des croquis, des illustrations très belles d'ailleurs, comme des croquis d'épinettes où on voit leurs caractéristiques, c'est dessiné à la main, ça? Oui. C'est chouette. Oui, j'ai fait ça sur du A3, oui. C'est super. J'ai eu du mal à démarrer à faire ça, mais... C'est toi qui as dessiné, donc du coup, les croquis d'épinettes qu'on retrouve à l'intérieur. Ouais. D'accord. Donc du coup, là, on apprend quand même qu'il y a plusieurs sortes d'épinettes. Ah ben ça, c'est sûr. Oui, c'est aussi l'intérêt de l'instrument, c'est qu'il n'est pas standardisé. Il y en a combien, tu sais? De formes différentes. Oui. Eh ben, il y en a à peu près autant que d'épinettes. Ah, non, oui. Mais c'est-à-dire que les plus simples, c'est une bûche qui est creusée par dessous. D'accord. Et puis on met des barrettes, hein, des frettes. Oui. Pour faire la mélodie. Et puis des cordes bourdon. Le nombre, c'est très variable, vraiment très variable. Il y a pas de standard. Chacun faisait un peu à sa manière, selon les souvenirs qu'il avait, selon le bois qu'il avait. Et donc il y a beaucoup d'instruments atypiques, plus ou moins justes aussi par rapport à notre oreille actuelle. Donc les plus simples, oui, c'est une bûche creusée. Puis après, il y a des systèmes d'assemblage. On fait une boîte et puis on met un couvercle, une table qu'on appelle sur un instrument. Oui. Et puis ensuite, on peut rajouter un fond, un dos. Mais il existe des instruments qui n'ont pas de dos, de fond. Hein. D'accord. Et cette tradition, cette façon de faire, c'est de pas mal d'endroits en Europe. Et tous ces endroits-là ont de commun, c'est d'avoir été isolés culturellement par rapport à la mode viennoise, parisienne ou vénitienne. Les gens étaient isolés, voulaient faire de la musique, faire un violon, ouais, ils voyaient vaguement ce que pouvait être un violon, mais c'est trop compliqué. Ils faisaient une boîte, ils tendaient des cordes dessus, ou ils profitaient d'avoir fait une fondue savoyarde. Non, je sais pas. Tendre les fils dessus. Mais, moi, il y a des instruments très rustiques. Oui. Mais parfois, ça a été un peu standardisé parce que quelqu'un se mettait en fabriquer plusieurs. Il en fallait pour le voisinage. Et c'est devenu, notamment au Val d'Ajol, une activité d'hiver pour les paysans du Val d'Ajol. D'accord. Hein, comme dans toutes les montagnes, à cause de la neige, on peut pas travailler à l'extérieur, donc on fait des coucous en forêt noire, on fait des jouets en bois ou de l'horlogerie dans le Jura, et autour du Val d'Ajol et du nord de la Haute-Saône, certains paysans se sont mis à fabriquer des épinettes pendant l'hiver, qui vendaient aux curistes de plombières de Luxeuil-les-Bains à la belle saison, qui vendaient pour des mariages ou pour le loisir des gens un peu autour, dans la Vosges ou c'est chouette par ici. Super. Tu sais beaucoup de choses sur l'épinette, bien sûr, ça, j'imagine que ton grand-père t'en a appris, etc. Et que voilà, c'est ton métier, ton instrument depuis beaucoup d'années maintenant. Mais est-ce qu'en écrivant ce livre, t'as appris des choses que tu savais pas sur l'épinette? Ah ben, ça m'a obligé de... Il y a quelques années, c'est un certain Guy Jean-Michel qui était prof d'histoire à Gérardmer, à Épinal et puis à Vesoul. Il a écrit pas mal de choses et depuis 1947, il a enquêté sur l'épinette. Alors il a des sujets sur l'industrie en Haute-Saône qui prenait des mètres de rayonnage. Pour l'épinette, ça prenait même pas 50 centimètres, tous ces dossiers, et il me les a légués avec toutes les petites notes, des petits papiers, des cartes, des cartons. Ah oui. Et tout ça très bien rangé, ça l'est moins maintenant. C'est pas grave. Ah non, mais je suis pas chercheur, mais je les admire, ceux qui cherchent, ils vont à une rapidité, puis c'est vrai. Ouais. Mais donc, oui, je suis pas suffisamment ordonné. Mais bon, ce que je dis dans ce bouquin, c'est toutes les choses que j'ai vérifiées. Donc, je tâche de pas raconter d'histoire. À la fin de ce livre, on trouve un glossaire pour la partie instrument. Oui. Et ça, c'est bien, hein, parce que quand on connaît pas trop Oui, tu as dit tout à l'heure un manche. Ah, c'est pas un manche. Il n'y a pas de manche. Bah, un manche, c'est pour les balais ou les casseroles. Mais non. Ah non, les violoncelles aussi. Bah oui, les guitares. Ah oui. Ça. Oui, non, c'est pas. Non, mais il n'y a pas de manche. Il y a une tête et un corps, mais il n'y a pas de cou. Dans beaucoup de langues, on dit un cou pour le manche. En français, on dit un manche. C'est vrai que c'est pas très beau. Non, c'est pas très beau. Excuse-moi, je retire le terme. En tout cas, sur cette tête ou il y a des très belles décorations. Est-ce que parfois il y a des gens qui te commandent des épinettes et tu sais sur mesure où ils veulent retrouver des dessins. Oui, c'est assez rare, mais et parfois ça peut être exubérant ce qui m'est demandé. Ah ouais. Et je suis obligé de faire plus simple, mais j'en ai fait une cette année, ça m'a pris des mois, enfin j'avais le temps. Oui. Il y avait une grosse coquille Saint-Jacques à la tête, au moins la dimension d'une coquille Saint-Jacques. Ah oui, ouais. Côté bombé, oui, par ouais. Là-dessus. Il y avait un double cœur vendéen sur la table principale, un triskel, vous savez, c'est Oui. Petite chose à trois oui. Lobes là qui tournent sur elle-même, le yin yang mais à trois. Ah oui, tout à fait. Bon. Et puis encore une autre ouïe. Qu'est-ce que c'était? Les ouïes, donc c'est les trous et ça permet de faire des décorations. Qu'est-ce que j'ai dû lui faire? Ah oui, c'est une hermine bretonne, voilà, hein, c'est une sorte de trèfle avec une espèce de grande queue de comète comme ça. Oui. Ça va? Ça va. C'est assez clair. Tout est dans l'imagination quand tu parles. On retrouve sur la tienne là une belle rosace là. Oui. Et j'ai l'impression qu'on la retrouve aussi là. Ah oui, mais ça. C'est une rosace aussi, ça se faisait souvent. C'est au pour compas. La sortie du son. Mais je n'aime pas les rosaces à six lobes ou à quatre. Je préfère les nombres impairs, mais sur cette épinette là, c'est à 5. Oui. Sinon, je fais à 7. C'est plus rayonnant quand on a un nombre impair. D'ailleurs, oui. Je regarde toujours les enjoliveurs de voitures et les petites voitures. De toute façon, ils le savent, mais personne ne remarque. Les petites voitures, on fait à 4 ou à 8 ou à 6, c'est un truc bête. Et aussitôt que tu as des enjoliveurs sur des voitures plus... ou des jantes... des jantes alu. Ouais. Et ben tu compteras le nombre de points pour tracer ça. Et ben c'est 3, 5, 7, 9... Ah oui, mais ça, c'est clair. Hein. Ah non, mais ils savent ce qu'ils font, hein. Ils savent ce qu'ils vendent. On apprend plein de choses aujourd'hui. Attends, on revient un petit peu au livre, hein, quand même. Dans ce livre, on retrouve des belles photos, des fresques, des dessins aussi de femmes qui jouent de l'épinette. Mm-hmm. Tu les as trouvés où, ça? Ah, il y a des gravures. Oui. Ah, il y a des. Je vois pas trop. Bah, là, par exemple. En bas à droite. Gravure sur bois. Oui, c'était un. Mais il n'existe plus, cet homme-là. C'était un Allemand qui habitait au Toli. Ah. Et il m'avait fait. Mais ça fait. C'est du. Il m'avait fait un. De quoi? Oui. Comment on appelle ça? Holschnitt, mais comment, de quoi presser des, ah oui. des affiches, quoi. D'accord. Et il m'avait gravé ça sur bois, mais le premier, il l'a raté parce qu'il l'a fait à l'endroit alors qu'il fallait le faire à l'envers. Alors j'ai le panneau de bois, et ça, c'est une photo du panneau de bois. Ouais. Ben, c'est super, en tout cas. L'épinette des Hauts-de-Vosges, donc, c'est le livre que tu peux, auditeur, retrouver d'ailleurs auprès de toi, Christophe, si on veut se le procurer. Oui, mais l'idéal, parce que moi, après, je vais livrer, parce que la poste, ça coûte presque 8 euros pour envoyer en France. Non, mais c'est bon. Il fait plus de 500 grammes, alors... Ouais. Entre 500 grammes et 2 kilos, c'est presque 8 euros de porc en France. Ah oui, ça fait cher. Non. Bon. Alors, il vaut mieux demander soit à l'éditeur, soit aller en librairie si vous en trouvez. Ouais. Mais sinon, oui, vous pouvez... Puis moi, je peux aussi en livrer ou vous venez le chercher. En librairie, on le trouve dans le coin, là? Oui, ça y est, c'est arrivé. Enfin, ce qu'on m'a dit, oui. Oui. Où ça, tu sais, quelle librairie? Non, peut-être pas. Et en existe encore. Elle va aller réécrire à revirement. Oui, voilà, j'irai voir. et sinon, j'en ferai livrer un camion. Là, non, j'en sais rien, c'est pas moi qui dois m'occuper de ça. Oui, c'est vrai, tu l'as déjà écrit, c'est déjà bien. Et puis je viens à Gemozo pour le vendre. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est pour mon ego, juste pour ma gueule. Oh, mais non. Si. Il y a beaucoup de légendes autour de l'épinette. Non. Non. Non, c'est dans le titre, là, ça fait bien dans le titre, ça fait vendre. Bah oui, mais ça aurait pu être sympa. On aime bien les légendes. Les légendes. Oui, c'est des anecdotes, c'est des petites choses comme ça, mais ça m'attire assez peu, les contes, les légendes. Non, puis l'instrument a assez de magie par lui-même. C'est pas la peine d'en rajouter. Fin... C'est vrai. Est-ce que tu nous rejoues un dernier morceau? Parce qu'on a presque fait une heure, là, figure-toi. Ouais, bon, bah, attends, il reste 13 minutes, attends. Ah non, arrête. Bah, t'as qu'à rire jusque pendant 13 minutes, c'est bon. Tu te moques de moi, c'est pas bien. Je vais faire une impro. Allez. Sur la base d'un chant séfarade, un chant du sud de l'Espagne. Voilà, parce que j'ai joué du vosgien, j'ai joué de l'irlandais, voilà. Pour Armelle, si elle nous écoute, on peut écouter sur en streaming ou je tout à fait. Tu peux écouter depuis les applications Radio Line ou Orange Radio de ton téléphone, ou si tu n'as pas de téléphone portable où il peut y avoir des applications dessus, tu peux aller sur ton ordinateur, tu tapes Radio Line et Radio Line. Oui. Line. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu tapes Radio Gemozo dans la barre de recherche de Radio Line et tu tomberas. D'accord, parce que j'ai envie d'aller m'écouter là. Ben, non, c'est pas possible. Par contre, tu pourras retrouver le podcast de cette émission juste après. Sur notre page Facebook, où voilà, tu retrouveras l'intégralité de cette émission. Ah oui, d'accord, sur la page Facebook. Voilà. Bon, bah, c'est bien. Non, je demande pas ça pour moi, mais j'en ai rien à péter. Je m'en doutais bien. je fais une impro, sur un mode séfarade, un mode judéo-espagnol. Je sais pas si je vais chanter, mais Combien de temps ça doit durer? Tu lèves la main ou tu dis ah, c'est non, bon? Moi, je te laisse faire, moi. T'éteins tu sais, la petite lampe rouge et puis tu... non. Puis tu mets du rap. Arrête. Ça ferait une drôle de transition. Une fausse note, je me suis trompé de mode, je me suis trompé d'échelle, je suis désolé, on efface tout, on commence. Ah. J'étais pas à ce que je faisais. Bon alors, prends ton temps. Ça y est, c'est effacé. C'est bon. beaucoup. C'était superbe. Très inspirant. Je préfère jouer dans une chapelle romane. Ah ouais. J'imagine que la résonance que... Bah oui, dans un studio, c'est tout isolé partout. C'est pas très gratifiant, quoi. Il manque un peu de miel, un peu de sucre. C'est sec. C'est sec, c'est vrai. Mais en tout cas, c'était très beau. C'était très très beau. Du coup, j'en ai profité pour feuilleter un peu ce livre que tu m'as ramené avec toi. C'était bien pour poser quelques questions. Je l'avais pas eu avant, mais c'est pas grave. Du coup, j'apprends quand même que il y a plusieurs outils et plusieurs bois possibles pour la fabrication. Oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas un instrument standard. Mais hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé là, qui va venir me voir parce qu'elle se fait une épinette. Et puis elle m'a dit, j'ai trouvé pour faire la table et le fond, j'ai du Douglas, du chêne et du châtaignier. Voilà, mais oui. C'était toujours comme ça, quoi. Quelqu'un avait à l'IME de Saint-Amé, là, ils ont fait des épinettes avec de la cagette, hein. C'est pas vrai. Si, de la belle cagette quand même, hein. Est-ce qu'elle fonctionne bien cette épinette? Hein, comment? Ils peuvent en jouer? Mais c'est le plaisir de se faire un instrument, puis d'arriver à sortir quelques notes, oui. Et donc tout est possible. C'est vrai que dans le sud des Vosges, on utilisait beaucoup le merisier, le prunier, qui sont des arbres très fréquents autour de Fougerolles. Et dans les Hauts-de-Vosges, plutôt des résineux. Mais il y a des épinettes en chêne, en frêne. Moi, ce que je préfère, c'est un résineux comme de l'épicéa. Ici, c'est du cèdre. J'ai toujours essayé de faire avec des bois indigènes, des bois locaux, mais donc de l'épicéa, pas trop fin, pas trop serré. C'est pas la peine d'avoir du bois comme pour faire des violons avec des pousses de 1 mm. Et l'érable, j'aime beaucoup l'érable. Les gens appellent ça du plane ici, ou du platane, du pione. Mais en fait, c'est l'érable, le sycomore, celui qui fait des belles feuilles comme sur le drapeau canadien, là. Enfin, la saison-ci, vous attendrez l'année prochaine. Le merisier, j'aime bien utiliser. Et c'est vrai que les bois trop lourds comme le chêne, le hêtre, c'est un peu délicat parce qu'il a tendance à travailler, à se tordre. Donc les fruitiers, surtout qui sont assez jolis. Le noyer, je n'aime pas trop, c'est joli, mais c'est... Ça va pour des... Ouais, enfin, c'est un peu particulier, le son du noyer. Le merisier, ça donne beaucoup d'éclat. D'ailleurs, c'est un bois qui casse facilement, hein. Il y a plus de chutes de gens qui tombent d'un cerisier qu'en cueillant les fraises. C'est là-bas. Du coup, tu t'as répondu un petit peu avant ma question. Donc, ça dépend, le son peut dépendre du bois qu'on utilise. Bien sûr, oui. D'accord. Puis à force d'en faire, donc on devine un peu ce que ça va donner. Avec l'emplacement du chevalet aussi, hein, donc c'est la pièce qui soulève les cordes tout au bas de l'instrument, ça se trouve. Ici, je l'ai fait en os. Ah oui. C'est un bois que j'aime. Ah non, c'est pas du bois. C'est de l'os de vache, hein, c'est pas. Ouais. Quand j'ai des enfants qui viennent à l'atelier, puis je dis c'est de l'os, ils ouvrent tous des yeux énormes. Je leur dis mais non, c'est pas de l'os d'enfant, c'est trop mou. Alors là, la maîtresse dit allez, on s'en va. Et puis elle rencontre ses élèves. Est-ce que toi, t'as déjà formé quelqu'un pour la fabrication d'épinettes? De temps en temps, il y a quelqu'un qui vient pour un peu bricoler, mais pour l'instant, j'ai trouvé personne qui était à la fois intéressé par la fabrication et le jeu, parce que il faut que ce soit un peu les deux. Je vais avoir un jeune stagiaire début janvier là, je crois. Oui. Eh ben c'est bien, on espère que ça portera ses fruits. Oui. Sinon, s'il y a personne qui reprend derrière, ça veut dire c'est pas grave, ça peut toujours être réinventé, hein, je suis pas. C'est-à-dire que dans mon boulot, même si je suis artisan, je me considère plus comme un artiste, quoi. C'est-à-dire, je vais pas compter donc mes heures. Je suis dans l'invention un peu tout le temps, quoi. C'est vrai que professionnellement, c'est considéré comme de l'artisanat. Tout à fait. L'épinette des Hauts-de-Vosges, présentée par Christophe Toussaint aujourd'hui, avec toutes ces belles explications, ces beaux morceaux que tu nous as présentés, et surtout le livre dont tu es venu parler aujourd'hui, vraiment superbe. Je vous invite, auditeurs, à aller, dans une librairie, si vous en croisez une sur votre chemin, ou directement contacter Christophe. Mm-hmm. On te contacte où? T'as une page Facebook, quelque chose pour nos auditeurs? Ah oui, mais sinon, il faut taper épinette sur n'importe quel moteur, au singulier, au pluriel, avec des fautes d'orthographe, n'importe. Et c'est assez visité, j'ai un site depuis 2004. Ouais. Qui est un peu en vrac, là, qu'il faut que je m'en occupe, mais j'ai passé les 100 000 visiteurs quand même. Ah oui, oui, oui. Ouais, mais faut dire que j'ai fait tout pour plaire, hein. Et vous pouvez y passer quelques jours, écouter des morceaux. Voilà. À plonger dans ce beau monde de l'épinette. Oui, et donc là-dedans, il y a mon téléphone, il y a du Facebook, il y a tous les tuyaux possibles. Sauf les télégrammes, ça n'existe plus, les télégrammes. On peut t'envoyer un pigeon voyageur ou une bouteille à la mer. Ouais, mais les pigeons, oui, quand j'en vois, je regarde leur bague, ce qu'ils ont aux pattes, ouais. Ah non, c'est sous l'aile quand on met un pigeon voyageur. Ah, je pensais, tu sais, accroché au cou, moi. Non. Sous l'aile. Non, c'est les vaches qui ont des cloches. Pauvre pigeon, s'il se balade avec une cloche. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir répondu à mes quelques questions. Ouais, non, mais c'était très plaisant. Je te remercie. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. Oh, c'était parfait. Et que j'ai parlé assez vite pour pas dépasser l'heure. Parce que je passe pour un lent. Je passe pour un lent. Mais non, mais il est 13h. Mais bien sûr, il est 13h, on a réussi, voilà. On a fait une heure avec Christophe Toussaint pour parler de son livre L'épinette des Hauts-de-Vosges, entre autres, parce qu'on a parlé de plein d'autres choses. Tu retrouveras le podcast de cette émission directement sur notre page Facebook. N'hésite pas à y aller faire un tour. On t'embrasse, auditeur. Christophe, est-ce que t'as un dernier mot pour nos auditeurs, là? C'est bientôt la fin d'année. T'as envie de leur dire un petit truc? Ou pas? Non, mais faites-vous plaisir en jouant de la musique plutôt que d'en écouter. Si vous avez un vieil harmonica, un mélodica, n'importe quoi, chantez, faites-vous plaisir, occupez-vous de vous, de votre corps, de votre voix. Voilà. Oh bah c'est parfait, je rajouterai rien. Auditeur, on se retrouve vendredi en direct à midi. Je t'embrasse bien fort.